apporte les déboires, les obstacles, la courbe de la trajectoire, le sort qui parfois s'acharne, accidente nos histoires, au-delà des tacles, des débâcles, de mauvais départs, des claques, des regrets, des soirs, roule opaque, le noir à ses heures de gloire, passer la peine, rien n'entame ma foi, je garde en mémoire, l'insurmontable que j'ai surmonté, la preuve que je pensais jamais voir, et l'ivoire du piano, je mêle les blanches et le noir, souligne mon message d'espoir, laisse-moi mourir, souffrir d'un soupir avant l'échéance, je compte percuter de ma sentence, que la violence en sens, au sein d'un mauvais pur dont j'ai pur les carences, explicite sans quoi gripper le mic n'aurait pas de sens, pour mettre fin au combat fratricide, cherche un message limpide, quand les guerres rongent comme l'acide, acidu, avec ronforine qui dérange, quitte à percer nos bégards, j'ai pas de bague à chaque phalange, dans ces chandelles, j'ai un maxiothèque, j'espère fertile, j'y mets autant d'âme que dans un champ de quartier, j'mets vide, faut qu'on cesse de cesser flager les fesses, et que l'unité soit un tel rempart qu'on en fasse presque une fresque. Je fasse ce qu'il faut pour que passe mon message, prenons mauvais présage, quitte à faire un nouveau pressage, pour que les précurseurs du peur ne se retournent dans leur tombe, qu'on se dise texte me part plutôt que c'est de la bombe. Mais j'écris, trop ancré dans le réel, je trouve des mots gris pour cette époque cruelle, dans le monde en galère, dans le même tunnel, mes rêves retombent, mes javions de papier n'ont même plus d'ailes. Que mon cahier absorbe mes peurs et que les fous rires demeurent plus nombreux que les pleurs et les proches à fleurir. Moi le somme sur les yeux, je fais vœu que demain soit mieux. Mais c'est du pessimisme qui coule de mon pic bleu. Mon rap c'est du blues, chronique de trottoir. Y'a trop de sang dans nos news, nos vinyles sont trop noirs. Mes rimes sont lourdes de sens, écriture mon self-défense, mon rempart. Exutoire à la démence, nos cités dortoirs. J't'écris, nos corps, nos consciences contre une réalité. Au rap comme tu cries, le beat t'assassine, c'est prémédité. Enfin l'époque où la violence fascine, mais ces conneries me fascinent pour dire la vérité. La vérité. Je l'ai dit combien de fois, mais je crois que c'est pas assez. Chez nous y'a pas que du mal, au final je vais me lasser. J'ai de l'espoir quand je vois tous ces gens dans la rue à gueuler, s'investir, mais je veux que ça continue. Toutes ces assos qui triment, qui vont sur le terrain, qui parlent de vrais problèmes, qui se débrouillent sans rien. On le dit, on le fait pas, je veux qu'on rallume la flamme pour le continent africain, la dette je la condamne. Leurs corps n'ont plus d'âme. Faut qu'on se tape tous ensemble, mon ciel à moi devient bleu lorsque je vois qu'on se rassemble pour une cause commune, un message positif avec mon groupe Alpha 1000, l'espoir est collectif. Marre d'entendre cette phrase, je veux que ça se concrétise. Combien ont lâché prise pour finir dans la tise. Des fois ça tient à rien, une seconde, une minute pour voir la roue tourner, mais dure sera la lutte. Peu importe les déboires, les obstacles, la courbe de la trajectoire, le sort qui parfois s'acharne, accidente nos histoires, au-delà des tacles, des débâcles, de mauvais départs, des claques, des regrets, des soirs, roule opaque, le noir à ses heures de gloire, passer la peine, rien n'entame ma foi, je garde en mémoire, l'insurmontable que j'ai surmonté, la preuve que je pensais jamais voir, et l'ivoire du piano, je mêle les blanches et le noir, souligne mon message d'espoir.